freestyle. 8900, Zip 200, ça rime palace. Ok. Aïe. Wesh les mecs, écoutez ça, moi quand j'écris c'est pas pour rien dire. Moi j'aime bien quand ça kick sec, quand je marque un but dès le premier tir. Moi je suis comme toi, il me faut des sous, une mélodie ou une Mercedes. Mais j'ai qu'un micro pour faire des sons, sur la mélodie mes vers se blessent. Non y'a pas le temps de roupiller, faut charbonner, faire du billet. Au pied de la tête au pied, les grenades sont dégoupillées. Ça bécrave, ça bédave le bon pilon, on cherche des bails et les bons filons. On tape pas de rails, on défouraille, on casse les reins, tu restes sur la paille. J'ai des rimes à Guélard, de l'amour pour elle, je représente mon petit carte à ma parole. On est là pour péra, pas pour jouer un rôle, dédicace à ceux qui traînent dans les halls. Petit collage à droite et on décolle, j'ai des rimes et le flow qui des trônes, des sons, on va en faire des tonnes. Génération qui fume des cônes, c'est le son du check. Ça vient du 8-9, c'est pour toutes les tests, c'est pour tous mes refs. C'est pour ceux qui soutiennent, ceux qui m'écoutent, ceux qui encaissent et mettent des coups. Attends, laisse-moi, je termine et vas-y, mets-la en veilleuse. J'ai l'amour de la rime avec de la haine dans l'ayeuse. Notre vie est compliquée, mais on s'en sort avec les zincs. On aime pas, c'est compliqué, aucun de nous a pas de plus 5. On est là en soirée à remplir la tablée. Ne viens pas surtout me dire, eh, casser, t'as du blé. Ça serait mentir, résiste de mal apprécié. Ne viens pas te plaindre si après tu un monde scié. On tape niveau son, dans la qualité. On se tape à haut niveau, on n'est pas là pour câliner. On bicrave du lourd, en solo ou en freestyle. Tu t'écrases avec tes fritères et tu tailles. J'roule mon Joko à la caméra. Fais gaffe, elle peut être très dangereuse la cam. Elle, notre son, fait trembler tes enceintes. Attention, ça a pété, fais gaffe si t'es enceinte. Que ce soit pour le taf ou le son, on est matinal. Une grosse taf sur le pilon et reste marginal. Toujours quelque chose dans la poche pour me relaxer. Toujours quelque chose à bicrave pour un petit billet. Toujours quelque chose contre cette France mal dirigée. Ah, toujours, jusqu'à ma mort, je représenterai. T'es afghan comme la résine que t'as dans les veines. Tant de haine réside et trop de touch dans l'oxygène. Le bled t'a mis au monde, la France t'a adopté. La seule chose qu'on te demande, c'est pas du Z pas raffiné. The B, t'as une Clio en réserve, tu rôdes. Pas le permis, nique sa mère, t'esquive le contrôle. Ta vie part à la dérive et toi tu rétrogrades. Tu grattes un ou deux sticks pour que tes soucis s'évadent. T'es plongé dans l'alcool, attention de pas boire la tasse. Les tasses te tapent l'épaule et attends qu'ils te les hessent. Après la cesse, tu tapes, symbole d'une pédale. Dans la cave, tu t'isoles au shit, tu n'es plus fidèle. Le zèle c'est plus facile, ça rapporte de l'oseille. Fais bel et qu'à la fouille car une patrouille te surveille. Tu vis la vie réelle, toujours aux côtés de la volaille. Tu dis que les représailles pour toi c'est un rituel. Dis-toi que dans ce bas monde, tu n'es que de passage. Dans ce désert de béton, fais bien attention aux pièges. Aïe, dédicace Amsterdam, Anne Palace, RIFA, FKC, Trumpet, Kirikou, Ensa Greg, pour toute la main, toute l'Europe, on représente tous les quartiers de sens.